Yes I. C'est le développement United Crew dans la place. Skunkhead, Mr. Fan, Don Valdez, Revolution. Hey Massive, ils veulent nous voir dead. Babylone veut nous voir dead et mourir dans le bas-fond. Il n'a pas confiance en Rasta qui vient chanter sa chanson. Ni lumière sur ni l'ambition, dans le détour de sa mission. Le tunnel accompagne l'éclair, lui de la leçon. Je te dis. Babylone veut nous voir dead et mourir dans le bas-fond. Il n'a pas confiance en Rasta qui vient chanter leur chanson. Ni lumière ni l'ambition, dans le détour de leur mission. Le tunnel les accompagne lors de la leçon. Rien que du bon son, rien que des bonnes vibrations. Pour amener toutes les nations à plus de satisfaction. Trop nos rêves, trop progrès, on connaît déjà la chanson. C'est pourtant l'heure de changer ses actions pour tendre vers la rédemption. Pensez positif, agir positif et loin la trahison. A nous de le prendre en main car je sens la révolution. Que ce soit pour effacer la corruption, refaire l'éducation. L'objectif reste le même, c'est la purification. On n'a plus le temps, non, de croire à ton gouvernement. Non, non, non, non, on n'a plus le temps, non. Car tu manipules par Satan. Maintenant, la misère, la famine, tout cela devient fréquent. Toi tu préfères faire la une à la télé pour les grands événements. Je préfère la paix à la guerre. Je préfère voir nos enfants manger à leur faim. Plutôt d'être à la merci de tous ces gens qui s'en remontent à plus de leur ignorance. Écoute, Babylone veut nous aider à mourir dans le bas-fond. Il n'a pas confiance en Rasta qui vient chanter sa chanson. Ni l'humiliation, ni l'ambition, ni le détour de sa mission. L'éternel accompagne l'éclair, lui donne la leçon. Je te dis, Babylone veut nous aider à mourir dans le bas-fond. Il n'a pas confiance en Rasta qui vient chanter leur chanson. Ni l'humiliation, ni l'ambition, ni le détour de leur mission. L'éternel les accompagne en menaçant. Hey. Wanted, on ira dans mon fils, c'est pour ça qu'on est wanted. On faille à Babylone, c'est pour ça qu'on est wanted. On brûle les vampires, poussi ou la vaudette. Wanted, on est ragamuffin, c'est pour ça qu'on est wanted. On fait à Babylone, c'est pour ça qu'on est wanted. On brûle les papayas, poussez ou la go dead, dead, a go dead. Wanted, on est ragamuffin et on prêche le fire. Un fire pur et clean, venu d'Ethiopia. N'importe quel rythme, le message sera là. Les merci bas les coups, trois mois, c'est pour ça. Que tous les deux toyaux veulent avoir du raga. Sans non plus rien à foutre de la house du peura. Révolution est là pour t'expliquer tout ça. À la même enseigne, j'en ai marre sans arrêt de voir le peuple qui saigne. Plus de guerre, plus d'armée pour ne plus faire couler les larmes. De la joie des paroles, du bonheur, voilà quelles sont nos armes. Exploitées comme des machines pour faire de la monnaie, hey. Tous les jours plein de consignes, de lois à respecter, hey. Et si par malheur les plombs tu venais péter, hey. Comme une merde tu te ferais cachevirer, yeah. Babylone veut nous aider à mourir dans le bas-fond. Il n'a pas confiance aux Rasta qui viennent chanter leur chanson. Ni l'humiliation ni l'ambition, de les détourner de leur mission. L'éternel les accompagne lors de la leçon. Je te dis, hey. Babylone veut nous aider à mourir dans le bas-fond.